Je vais essayer d'être plus bref. Je crois que quand même les termes du débat sont relativement bien posés. Un diagnostic assez sévère sur ce qui s'est passé jusqu'ici durant 50 ans, qui a été fait par les deux exposés préliminaires, et des témoignages d'agriculteurs montrant qu'ils ont fait autre chose. Alors, à partir de là, au fond, pourquoi pas ne pas s'estimer satisfait ? La relève est assurée. On a là devant nous des innovateurs, au sens schumpeterien du terme, mais je reviendrai là-dessus. Je fais partie des économistes qui ont lu Schumpeter. Ça devient rare, il faut donc en profiter. Et donc, les choses vont changer. Bien, quand on regarde ce qui s'est dit sur le lait, moi je fais partie d'une génération qui a connu effectivement les réseaux Pochon, toute cette histoire-là, il y a 50, quasiment 50 ans, enfin en tout cas 40 à coup sûr, où en est-on aujourd'hui ? Bah, bien sûr, on a des réseaux laitiers, eh bien on a toute une série de... Le RAD en est un exemple. Il y a plein de choses qui se font, mais majoritairement, la production laitière n'est pas faite selon ce schéma-là. Donc là, il y a quand même une question de fond qui se pose, et qui se pose à nous tous, au pouvoir public certes, mais pas seulement, aussi au corps agricole, aussi aux citoyens, comment faire pour, je dirais, enclencher un changement radical. Parce que si, je reprends l'expérience de Quentin, si on a mis 50 ans pour arriver avec le lait là où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire quand même une minorité de producteurs qui sont autonomes, économes, etc., vous, en céréales, je ne sais pas, dans 50 ans, bien, il a le temps de se passer beaucoup de catastrophes d'ici là. Donc la question qui se pose vraiment, c'est comment on peut accélérer le mouvement. Je crois que cette question-là, elle était déjà un peu posée au moment du colloque organisé par le ministre au mois de décembre, et elle reste complètement essentielle. Malheureusement, personne, sinon ça se saurait, n'a de réponse facile et absolue à ça. Alors c'est là, moi, où effectivement, en tant qu'économiste, je me tourne un petit peu vers la littérature, et quelque part, cette question de l'expansion des innovations quand il y a des inventeurs, et il y en a beaucoup dans le monde paysan, et ça, c'est vraiment sympathique de travailler avec vous, parce que c'est un milieu qui est riche de ce point de vue-là, il faut des conditions particulières pour que ces innovations se répandent. Alors, un, il y a les situations de crise. Tout à l'heure, je crois que c'est... bon, je ne me rappelle plus ton nom, peu importe, mais Philippe, je crois, qui a dit ça. La sécheresse. La sécheresse, là, les gens, ils ont morflé, ils ont réfléchi. Toi, tu dis l'inondation et le froid, les gens réfléchissent. Alors, il y en a un ou deux qui basculent, mais ça ne suffit pas. Après, je crois que Schumpeter, il nous dit que les innovations, pour s'étendre, une fois qu'elles ont été mises au point, il faut deux choses. Il faut qu'elles soient reconnues comme, bien sûr, légitimes et performantes sur le plan du fonctionnement, mais il faut aussi qu'il y ait ce qu'il appelle, lui, une destruction créatrice. Enfin, on ne va pas rentrer là-dedans. Autrement dit, il faut quand même que le ménage soit fait pour que, quelque part, il y ait un espace d'expansion de ces innovations. Et je pense que là, on est dans une difficulté réelle qui est que soit on veut tout garder. C'est-à-dire qu'on a dit, voilà, on a des innovateurs à côté de moi, là, tout à fait des gens vertueux, des producteurs vertueux, et ils vont s'ajouter aux autres et au système, et ça va changer comme ça, petit à petit, peut-être un siècle, peut-être plus, peut-être moins. Soit on pense qu'il faut enclencher un mouvement qui quand même déstabilise, je dirais, l'ensemble de notre système dominant, qui se satisfait relativement bien de positions acquises, même s'il reconnaît que c'est un peu dommage, c'est un peu moins bien. On a vu que la politique agricole, c'est 9 milliards au lieu de 10. Bon, voilà. Donc ça, cette question-là, elle est de fond. Alors, est-ce qu'on a, dans ce qui a été dit ici, des éléments de réponse ? Bon, sur les politiques publiques, on ne va pas enclencher le débat. Il est effectivement important. D'autres y reviendront peut-être. Je pense tout à l'heure, mon voisin de gauche. Mais je pense que, quand même, moi, ce qui me frappe beaucoup dans cette histoire-là, c'est que la capacité des agriculteurs à organiser des groupes sur ces questions, à bâtir de la référence technico-économique, elle est centrale. Pour l'instant, ce champ-là n'est quand même pas ce qui est de plus fréquent dans notre société. On a plein de références techniques, mais plutôt orientées, comme ça a été dit tout à l'heure. On a des références économiques du style du RICAM qui sont extrêmement globales et peu opérantes sur le changement de pratique, pour y voir quelque chose. Donc, moi, je pense qu'il faut retrousser nos manches et s'y coller. Et c'est un petit peu ça, un des objectifs du réseau Impact, en s'appuyant, bien sûr, sur un certain nombre de réseaux qui travaillent déjà sur ces questions. Mais il faut changer de braquet. Il faut changer de braquet, il faut faire ça de manière beaucoup plus générale. Alors, sur le lait, aujourd'hui, on sait faire. Sur les céréales, on sait faire, mais on travaille quand même un petit peu sur les bordures. Un petit peu, comme tu as dit, sur les zones intermédiaires. Et puis derrière, il faut enclencher sur d'autres filières. Alors, est-ce qu'il y a des ressources inexploitées ? Moi, je prétends que oui. Bon, j'ai travaillé une partie de ma carrière sur le secteur des fruits. Eh bien, le secteur des fruits, comme on a vu, un secteur peu favorisé, la crise, enfin vraiment, c'est l'horreur, les fruits. C'est quand même pas facile. Eh bien, il y a des réseaux qui existent, qui sont peu connus, qui souvent repose, alors rendons vertu là aux chercheurs de l'INRA, parce qu'il paraît que parfois je ne suis pas très gentil avec l'institution qui m'a nourri, ben oui, avec des chercheurs de l'INRA, des individus qui, avec un groupe de paysans, promeuvent un certain nombre de changements. Il y a eu ça en fruits, il y a un réseau qui s'appelle MAFCOT, qui existe toujours, qui a été porté par un ingénieur de l'INRA, qui s'appelle Lespinasse, qui est maintenant à la retraite, et ce réseau a travaillé depuis 30 ans sur des changements de pratiques sur l'arboriculture, quoi. Sentant bien ce qui allait se passer, sentant bien que la chimie appliquée, enfin, il y avait des limites. Eh bien, ces choses-là, elles sont... Moi, je les connais parce que je suis chercheur et que j'étais dans ce secteur-là. Eh bien, il faut en faire un contenu social, légitime et parfaitement reconnu.